L'ego, l'âme et l'esprit, partie 2 de 3. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si c'est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Pour bien comprendre les concepts d'ego, d'âme et d'esprit, je vais mettre un peu plus d'emphase à présent pour définir en quoi consiste l'esprit. L'esprit est une structure énergétique éternelle, donc qui n'a pas de début et de fin, à la différence de l'ego du corps physique qui naît au moment de la séparation du corps avec sa mère et qui prend fin au moment de la fin de vie du corps physique lors du dernier souffle. L'âme également est immortelle dans le sens que c'est une partie de l'esprit, mais qui a été configurée pour s'incarner sur le plan matériel en relation avec un abaissement de la vibration de l'esprit qui est devenu l'âme, là. Tandis que la partie de l'individu qui ne s'est jamais incarné dans la matière a toujours resté avec un taux vibratoire qui est très élevé. Donc, l'esprit a accès à toute information, il sait tout de manière instantanée, il est branché d'une manière perpétuelle à un réseau d'Internet psychique qui est multidimensionnel, alors que l'âme qui est plongée dans la matière est soumise aux lois de la matière, est soumise à un plan émotif, à un plan intellectuel, à des contraintes planétaires, à les lois aussi qui sont en relation avec sa condition planétaire, des influences aussi qui proviennent des astres, que ce soit la Lune, les autres planètes dans le système solaire, qui, de par leur rayonnement, vont influencer la structure énergétique de l'âme qui est configurée pour une vie planétaire particulière. Autrement dit, l'âme qui s'incarne sur la Terre va prendre une couleur terrestre momentanément et éventuellement, lorsque l'âme va se sortir du scénario planétaire terrestre et que le temps va être venu de participer à un nouveau cycle d'évolution sur d'autres planètes ou sur un autre niveau d'énergie, eh bien, éventuellement, l'âme va rehausser son taux vibratoire pour rétablir le contact avec son esprit qui a toujours eu le taux vibratoire élevé. Autrement dit, lorsque l'individu intègre la vibration de l'esprit, il réintègre le taux vibratoire primordial qu'il avait à l'origine avant de s'incarner sur Terre, voire même sur d'autres planètes, parce qu'il y a des âmes qui s'incarnent sur différentes planètes, et vont un peu partout dans l'univers, incarner différentes formes de créatures, tandis qu'il y en a d'autres qui se concentrent plus leur énergie pour habiter des formes de créatures humanoïdes. Ça dépend des besoins, ça dépend des particularités exploratoires de l'esprit qui, à travers l'exploration du plan matériel, participe à son développement et également à son expansion, parce que c'est en explorant la matière que l'esprit l'investit d'énergie et de sa créativité pour éventuellement le raffiner. Parce que le scénario planétaire, c'est quoi? C'est un work in progress, donc c'est un travail en développement. Ce qui fait que, par exemple, on le voit au niveau humain, c'est que dans les âges, vous avez eu certains modèles de véhicules. Au début, les gens se déplaçaient à pied, et éventuellement, ils se déplacent avec une charrette, avec des chevaux, comme au temps des Romains. Au Moyen Âge, c'est encore le même principe. À un moment donné, la voiture apparaît. À un moment donné, les gens vont se développer en fusée avec la conquête spatiale qui prend forme en 1969 lorsque l'homme va sur la Lune à partir d'un vaisseau spatial. C'est-à-dire, on dit un vaisseau spatial, mais c'est très minime. C'est juste les balbutiements là, du développement technique de l'être humain, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'au fil du temps, l'être humain développe des véhicules physiques et l'âme est mise en vibration par l'esprit pour toujours raffiner le véhicule. Donc, autrement dit, l'auto se raffine au fil du temps. Depuis un certain nombre de décennies, l'être humain se déplace en automobile et ce n'est pas fini. Éventuellement, il y aura d'autres formes de véhicules plus propres, plus écologiques. À l'époque actuelle, on assiste, par exemple, à l'informatisation du véhicule automobile. Donc, on peut, par exemple, à bord d'une auto, utiliser la commande vocale. On peut, par exemple, aller utiliser un GPS pour se déplacer à travers l'espace physique. Et c'est le début de l'informatisation. Il va y avoir d'autres choses qui vont venir éventuellement. Et ce qu'il faut dire, c'est que les esprits qui sont au-delà de la matière vont piloter l'âme à travers les événements qu'ils concoctent, qu'ils préparent dans le plan de vie, pour qu'il y ait une évolution constante sur le plan matériel, qu'il y ait un raffinement constant de la forme par l'individu qui façonne la forme en façonnant, par exemple, le véhicule automobile, en le raffinant pour qu'il devienne plus efficace au fil du temps, et également l'esprit. À mesure qu'il habite le corps physique, en développe une maîtrise, stabilise l'ego, donc l'aspect animal, eh bien à ce moment-là, il se manifeste de plus en plus à la conscience de l'âme qui sort de l'inconscience et prend conscience de sa contrepartie cosmique à travers la fusion. Et là, à ce moment-là, le travail en partenariat commence et c'est la période de l'évolution qui débute, qui fait suite à la période d'involution. Donc la distinction entre les deux, c'est que lors de l'évolution, c'est une période de descente de l'énergie de l'esprit qui abaisse progressivement sa vibration pour plonger dans la matière. Et lors de la coupure de l'âme avec sa source, eh bien, elle n'a plus la possibilité d'établir une communication télépathique avec sa contrepartie cosmique. Donc autrement dit, l'âme qui n'a plus accès à la télépathie avec son double, n'a plus accès à l'information, ce qui fait qu'elle était obligée, dans des temps immémoriaux, de développer la maîtrise du corps physique. Donc, autrement dit, lorsque l'âme était branchée à la structure énergétique de l'esprit, eh bien, à ce moment-là, c'était très facile pour elle de fonctionner sur une planète. Eh bien, elle avait accès à savoir tout. Tandis que là, pour savoir quelque chose, eh bien, il faut le percevoir à travers les cinq sens physiques. Donc, autrement dit, si je veux savoir si à 1 km de ma distance, où ce que je me situe sur le plan physique, il y a un animal prédateur, eh bien, il faut que je le voie à travers mes yeux, que je l'entende avec mes oreilles, que j'entende ses rugissements. Donc, je ne peux pas savoir si, par exemple, il y a un lion qui est situé à 1 km de moi, si je n'ai pas accès aux sens physiques, si je suis coupé de ma source. Tandis que l'âme qui est en contact avec sa source, eh bien, si elle aurait conservé son contact, elle n'aurait pas été en mesure de développer d'une manière aussi précise les sens physiques que l'ont fait les êtres humains dans les siècles précédents. Autrement dit, l'âme qui veut savoir si un animal prédateur à 1 km de l'endroit où ce qu'elle est présentement, et eh bien, elle n'aurait qu'à poser la question à son esprit, est-ce qu'il y a un prédateur qui est proche? Puis là, l'esprit aurait dit oui ou non. Donc, en utilisant l'esprit, et vous voyez qu'elle ne développe pas la capacité de vision, la capacité à se déplacer aussi pour monter en haut d'une montagne et voir s'il y a des animaux féroces, des prédateurs qui sont situés proches d'elle. Donc, elle ne développera pas les sens physiques. Et c'est à travers la nécessité qu'elle développe les sens physiques, tandis que l'âme, si elle a le choix de les développer ou non, eh bien, ça se peut qu'elle soit paresseuse et elle ne développe pas les sens physiques en se fiant et fonctionnant strictement à partir de son contact télépathique avec l'esprit. Donc, autrement dit, c'est une période qui a eu sa nécessité parce que ça l'a forcé l'âme qui a été emprisonnée dans un corps physique en s'y incarnant à développer avec une très grande précision la maîtrise des sens physiques qui s'y rattachent, comme la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Donc, c'était des développements qui ont été très utiles pour être capable de manipuler la matière, parce que vous devez comprendre que si l'âme qui s'incarne dans un corps physique et elle voit tous ses besoins remplis par son contact avec l'esprit, eh bien, à ce moment-là, elle n'aura pas nécessairement l'intérêt de construire un abri ou de monter en haut d'une montagne pour voir s'il y a des animaux. Donc, Les développements sur le plan matériel, lorsqu'on a accès à une communication télépathique, eh bien, il n'y en a pas autant. Et c'est à travers la nécessité, l'adversité des conditions physiques qu'ont affronté nos ancêtres qui ont dû combattre contre des animaux féroces, qui ont amené un développement. Et aussi le fait que l'âme a été coupée du contact avec son esprit, sa contrepartie cosmique, parce que elle aurait beaucoup trop souffert de réaliser les limites extrêmes de sa situation. Donc, imaginez une âme qui s'incarne en pleine brousse, en pleine jungle, et elle n'a rien, elle n'a pas d'habitat, il faut qu'elle construise tout. Alors qu'à l'origine d'un plan de lumière ou à l'accès à de l'information d'une manière instantanée et infinie. Là, elle est dépourvue de contact psychique avec l'esprit, donc elle n'a pas accès à d'informations télépathiques, donc elle est dans un contexte très limitatif, et de réaliser qu'elle existait au préalable dans un contexte où elle avait accès à beaucoup d'informations, qu'elle baignait dans une lumière et qu'elle n'avait pas les contraintes climatiques de subir le froid, la chaleur, les intempéries, la menace des animaux. Alors que si l'âme pense que la réalité physique est la seule réalité, eh bien, ça va la forcer à se développer sur le plan physique, parce qu'elle ne pensera pas qu'il existe d'autres formes de réalité. Donc, vous voyez l'utilité, quelque part, d'une conscience matérialiste qui va amener l'âme à s'identifier à son corps pour qu'il y ait un développement au fil de l'habitation des corps physiques pour raffiner la maîtrise du véhicule. Et c'est ce qui a permis notamment à l'époque actuelle d'augmenter l'espérance de vie. Autrefois, nos ancêtres pouvaient vivre jusqu'à 20, 30 ans et aujourd'hui, quelqu'un peut vivre jusqu'à 80, 90 ans. Donc, l'espérance de vie augmente au fil du temps parce que au fil du temps, l'être humain maîtrise d'une manière davantage efficace la matière, les intempéries, les problèmes de santé. Donc, la maîtrise qui se fait de plus en plus grande de l'être humain et de la matière permet d'augmenter l'espérance de vie et également sa qualité de vie. Et la différence entre son état d'origine et l'état qu'elle va connaître à la fin du processus d'incarnation et de réincarnation, c'est qu'elle va avoir un bagage mémoriel, expérientiel. Elle va s'être dotée aussi d'identité. Parce qu'à travers les expériences qu'elle aura connues, elle sera dotée d'une identité qui est en relation avec le développement de compétences sur le plan matériel. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui dans plusieurs existences a été un enseignant, donc qui développe des compétences en enseignement, s'il a réparé des charrettes, des véhicules automobiles, donc il a des compétences de mécanicien, donc il développe certaines compétences en relation avec les fonctions qu'il aura occupées au fil des incarnations, qui peut lui prédisposer à agir dans un rôle conseil entre deux existences pour certaines âmes, autrement dit, être un guide conseil qui va conseiller, entre autres, les âmes qui vont s'incarner sur Terre ou sur d'autres planètes en vertu des compétences qu'elle aura développées au préalable et de sa capacité aussi à se brancher à son esprit pour coordonner d'une manière cohérente les incarnations et réincarnations qui s'effectuent pour favoriser un plan global de développement. Donc, c'est sûr que les âmes, quand ils s'incarnent et se réincarnent sur une planète, que ce soit la Terre ou une autre, c'est toujours en fonction de visées évolutives. Et l'évolution vise à amener l'âme à se développer en termes de sagesse et éventuellement aller au-delà de ça lorsque sa structure énergétique est suffisamment stabilisée pour se brancher à l'esprit et être un vecteur de canalisation directe d'informations qui provient de sa contrepartie cosmique qu'elle va manifester sur le plan matériel pour amener une évolution qui va s'accélérer. Parce qu'au lieu de procéder en fonction de l'essai-erreur, l'esprit donne accès à de l'information qui permet d'avoir une réponse exacte d'une manière instantanée à une question qui est posée ou faire la résolution de problèmes d'une manière beaucoup plus efficace que la personne pourrait le faire en jonglant avec les possibilités, en utilisant la capacité d'analyse de l'ego qui est plus limitée que l'intelligence qui est beaucoup plus vaste et spontanée qui provient de son esprit.